Hey. Pourquoi j'entends ta basse juste à droite? Pourquoi j'entends ta basse juste à droite? Tu gambes, tu en savais, over. Ouais, tu gambes, c'est pas, I deserve a weekend. Ouais, tu gambes, over, I deserve a weekend. I wear on my eyes to work. On dirait Indochine. c'est Atomic de Blondie. Je te laisse les strings. Merde, j'arrive pas. J'augmente. Ah, fuck. Trompette quoi. Je recommence. I retry. Allez, Benjamin. Let's go. Allez, la basse. À toi la basse. Ouais, c'est ça la basse. Are you ready? 1, 2. C'est pas terrible la guitare, on va recommencer. On commence. On recommence, guitare. Allez, solo. Ah merde. joli ton son zik. C'était bien, Blondie, Atomic. Bon, je vais manger. I'm going to eat something tomorrow. Disco. It's time to eat. Thank you.

Thank you.